L'île de Georges Courteline. Il est 9 heures du soir. Monsieur et madame, adossés dans leur fauteuil, lisent chacun un journal du jour. Soudain, « Dis donc, Coco !»« Quoi, Coco ?»« Une île britannique, qu'est-ce que c'est ?»« Ce que c'est qu'une île britannique ?» On entend par île britannique la réunion de l'Irlande, de l'Écosse et de l'Angleterre. Vraiment, Coco, il n'y a que toi pour poser des questions pareilles. Alors oui, tu croyais qu'on disait une île britannique comme on dit un roc escarpé ou un vermouth guignolé? Ne te paye donc pas mon visage, s'il te plaît. Je te jure, je la connais. C'est comme la fois où tu m'as dit qu'il y avait des animaux ayant les pattes un peu plus courtes du côté droit que du côté gauche, ce qui leur était très commode pour courir sur les flancs des montagnes. Ça ne prend plus. Mais... Ça ne prend plus. Le menteur n'est point écouté. Quand même, il dit la vérité. Attrape, Coco. Ça t'embouche un coin, ça, mon vieux. Comme ça, tu voudrais me faire croire que l'Angleterre est une île. Bien sûr, l'Angleterre est une île. Veux-tu te cacher? Si c'était vrai, il y a longtemps que tu me l'aurais dit. Je te l'aurais dit si tu me l'avais demandé. Et puis d'ailleurs, c'est bien simple. Il saute sur ses pieds et va chercher dans son cabinet un atlas qu'il apporte grand ouvert. Tiens, entêté, regarde toi-même. C'est pourtant vrai. Eh bien, je ne l'aurais jamais cru. Monsieur reprend son journal. Madame demeure absorbée dans la contemplation de l'atlas. Un temps. Soudain. Dis donc, Coco. Quoi, Coco? Une île. Comment ça se fait que ça ne se tire pas des pieds? Ça devrait se tirer des pieds pourtant, puisque ça n'est pas attaché. Il y en a des fois qui se les tirent. Oui? Quand il y a du vent, beaucoup de vent. Oh, je pense bien que ça ne se tirerait pas comme un bouchon dans une cuvette, en soufflant dessus avec la bouche. T'es bête, Coco, quand tu t'y mets. Et alors, dis, si l'on faisait beaucoup, ce qui s'appelle beaucoup, enfin quoi, énormément de vent, est-ce qu'elle se tirerait, l'Angleterre? L'Angleterre? Non, elle est à l'ancre. À l'ancre? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais t'expliquer en deux mots. On appelle ainsi une chose noire, quelquefois rouge et souvent bleue, qu'on fait descendre au fond de l'eau avec des chaînes de la petite vertu. Ça sert à écrire des lettres et à accrocher les navires. Les enfants s'en mettent au doigt et les élèves du Borda en portent une sur leur casquette. Il sait tout, ce Coco! Il sait tout!